La rue m'a tout appris. Mère quand ton intellectuel bagage. Faut que l'individualisme, j'ai grandi dans le partage. La rue m'a tout appris, par contre ton intellectuel bagage. Faut que parler mal, c'est que des maudits, j'emmerde tous ces bâtards. Tu t'amuses, alors, brrr, y'a pas tant de bagarres. Oh ouais, gros bien, la plata, Namas, tout le jet, en vitesse, dans le gasmas. Moi j'avais les refaits. Les petits veulent des artistes, mais veulent le poisson sans la canne à pêche. Si t'as pas mes 5-0, c'est pas la peine. Une nuit de la galère, on est dans le business. Quand on braque est balèze, ils refusent de faire du fitness. On respecte R, mon négro, on a renversé le système. J'ai mis gilet pare-balles, je peux affronter la vie comme un vrai loose. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La tactique, ma tessie a poussé dans un taxi. Donc on pratique la droite à l'Omachenko. Mais je prends le bon quand je viens chez toi. Deux ans sur la chego, viens nous tester, on va pas chez K. Yeah, yeah, vérif, en bébé, bébé veut galoper. Bluetooth connecté, mais tu sens sur ton tête. Allez, je suis dans la ville, aux Evers, à Signy, je mange la vie. Je mange la vie, je bois sur ma vie. On a tout ce qu'il faut pour trouver la vie. On est dans le business. Quand on braque est balèze, ils refusent de faire du fitness. On respecte R, mon négro, on a renversé le système. J'ai mis gilet pare-balles, je peux affronter la vie comme un vrai loose. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.